France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire abracadabrantesque des 271 Picasso sortis de l'oubli et du garage d'un électricien 37 ans après la mort du maître. Sur Pablo Picasso, on a tout dit, tout vu, tout lu de son parcours, de ses amours et de ses tableaux. Son visage rond et brut, son short et son torse nu sont aussi connus que ses œuvres. Il fut l'un des artistes les plus importants du XXe siècle et de l'art moderne. Plonger son regard dans l'univers si particulier de ses tableaux, c'est voyager de pays en pays, de décennie en décennie, de femme en femme. C'est plonger dans son Paris bleu du début du siècle, dans les tenues très légères de ses demoiselles d'Avignon, mais aussi dans le noir le plus noir, Guernica, bien sûr, où toute l'horreur d'un bombardement et l'apocalypse de la guerre moderne s'expriment jusqu'à nous faire ressentir la douleur et l'effroi de toutes les victimes. En décembre 2014, à Newark, aux États-Unis, les services de la douane tombe sur un tableau de l'artiste datant de 1911. Annoncé volé en 2001 par le centre Pompidou, la coiffeuse de Picasso, c'est son nom, réapparaît comme par magie entre les mains de ses agents de la douane. Moins d'un an après, ce tableau retrouve sa place au musée du centre Pompidou. Cette histoire est une affaire parmi d'autres autour des œuvres de Picasso. Depuis sa mort, ici et là, en France et ailleurs, ses œuvres volées, données, oubliées, cachées ou retrouvées, jouent à cache-cache avec les conservateurs et les héritiers de l'artiste. L'une des plus importantes et des plus rocambolesques histoires picassiennes, c'est celle de ce couple de retraite du sud de la France qui débarque un jour avec une valise remplie de 271 œuvres inédites de l'artiste. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui en dépassant le cadre de l'affaire judiciaire qui court de 2010 à 2015. Une histoire cubiste où il faut jouer sur les perspectives, articuler le récit autour de plusieurs axes, ceux des tableaux, des familles, des héritiers et des accusés d'aujourd'hui et d'hier. Notre invité Gilles Plazy, journaliste, critique d'art, écrivain, auteur d'une biographie du peintre, tout simplement intitulée Picasso, disponible chez Folio Biographie. Il sera avec nous en duplex à Quimper, dans les studios de France Bleu Brésisel. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Charles Danet et Dimitri Gronoff. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Janvier 2010, 8 rue Volney, Paris. Dans les bureaux de la Picasso Administration s'organisent chaque jour la succession et la défense des œuvres du peintre. Cette société est la seule habilitée à délivrer des certificats d'authenticité pour les dites œuvres. À sa tête, on retrouve Claude Picasso, l'un des fils de l'artiste, qui gère les droits de son père pour l'ensemble des héritiers. Dans ses murs, c'est la mémoire du peintre et des voyages de ses œuvres qui se gravent à travers des milliers de demandes rangées scrupuleusement. Ce 14 janvier, dans la pile des courriers, se glisse une lettre postée de Moinsartou, une commune située près de Cannes, proche de la dernière demeure du peintre. À l'intérieur, une lettre manuscrite dans laquelle monsieur et madame Le Guénec demandent l'assistance de la société pour authentifier des œuvres. Ce courrier est accompagné de 26 photos en noir et blanc et d'une description en quelques lignes de chaque œuvre. Dans ce courrier, les auteurs précisent en détenir une centaine qu'ils auraient reçues des mains de la dernière épouse de Picasso, Jacqueline. La lettre et les photos sont apportées à Christine Pinault, le bras droit de Claude. Elle la lit le soir même et entame des premières recherches. Bon, rien de spécial, la Picasso Administration examine chaque jour des courriers de ce type. Le 5 mars, elle reçoit un nouveau courrier de monsieur et madame Le Guénec. Les mots sont couchés sur une feuille à carreaux avec une écriture soignée. Comme ce fut le cas 3 mois plus tôt, la demande est accompagnée de photos. Il y en a 39, en noir et blanc, avec les dimensions précises de chaque œuvre. Christine Pinault effectue les opérations de recoupement habituelles. Elle scrute les dizaines de volumes du catalogue de l'inventaire de succession. Mais elle ne trouve rien. Aucune de ses œuvres n'est inventoriée. Un mois plus tard, le 19 avril, nouveau courrier, nouvelle demande, nouvelle photo. Encore une fois, aucune de ses œuvres n'est présente dans l'un des catalogues Picasso. À force, le couple exprime une certaine impatience. Claude Picasso décide de convenir d'un rendez-vous finalement avec Monsieur et Madame Le Guenec pour voir les œuvres en vrai et effectuer les recherches sur place. Le rendez-vous est fixé au 9 septembre 2010. Ce jour-là, le personnel de la Picasso Administration voit débarquer en son siège un couple de septuagénaires muni d'une petite valise à roulettes. Un petit couple de gens d'un certain âge, amoureux, silencieux, un peu gênés, et sans doute stressés d'être ici à Paris, reçus par Monsieur le fils du peintre. On les fait monter au 3e étage, on les installe, et à 11h, l'entretien commence. Pierre Le Guenec ouvre la valise et sort un paquet. Dedans, il y a deux carnets et une pochette contenant en tout 271 esquisses, lithographies, dessins, collages. Claude les regarde attentivement, une par une. Il ne remarque aucune trace d'humidité, de détérioration. Christine Pinault, sa collaboratrice, prend des notes pendant qu'il effectue des allers-retours dans une autre pièce où se trouve toute la documentation sur les œuvres de son père. Sur certains feuillets, il repère un numéro d'inventaire réalisé avant la guerre en prévision d'un divorce avec Olga, la première femme de Pablo. La majorité de ses œuvres correspond à la période 1900-1920, les premières années de Pablo à Paris, pendant lesquelles il se met à peindre des formes géométriques. Une période très importante, car c'est à ce moment-là que Picasso devient Picasso. Dans la petite valise, on trouve des œuvres inconnues, dont 9 collages cubistes. Le couple dit les avoir reçus de Jacqueline Picasso. Il se trouve que Pierre a travaillé en tant qu'électricien chez le couple de 1970 jusqu'à sa mort. Mais pour Claude Picasso, quelque chose cloche. Pour autant, il ne laisse rien paraître. Il raccompagne le couple et lui promet de donner des nouvelles sans tarder. Or, le 23 septembre, avec les 5 autres héritiers, il porte plainte contre X pour vol et recel. Le 5 octobre, c'est l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels qui frappe à la porte du domicile des Le Guenec. Les œuvres sont saisies et le couple de septuagénaires passe quelques heures en garde à vue. 2 mois plus tard, le journal Libération annonce l'info en premier, un scoop. Et très vite, bien sûr, l'affaire de l'électricien de Picasso et des œuvres inédites d'une valeur estimée à 60 millions d'euros fait le tour des rédactions. Après Paris, tous les médias du monde parlent de ces 271 Picasso. Cette découverte incroyable de 271 œuvres de Picasso, jusque-là inconnues des collectionneurs, un électricien à la retraite affirme que le peintre lui en a fait don. Valeur estimée 60 millions d'euros. La police a des doutes. 271 arbeiten von Picasso, geschätzte 60 millionen euro wert. Un couple de la Côte d'Azur détient pas moins de 271 œuvres de Picasso. On en vient à cette incroyable découverte qui passionne le monde de l'art. 271 œuvres inédites de Picasso. Picasso Footlow, Dingong Dingik Manfuyong. Elles étaient en possession d'un modeste électricien retraité de la Côte d'Azur. Picasso's nude green leaves and bust. Affirme que le peintre lui en a fait don, une version totalement contestée par les héritiers qui portent plainte pour recel. Alors, qui sont les Le Guenec ? Pourquoi avoir attendu 37 ans pour sortir ces œuvres de l'oubli ? Quel mystère se cache encore derrière le nom de Picasso ? Le 29 novembre 2010, Mouans Sartou devient aussi célèbre que Rome ou Paris. Dans cet arrière-pays cannois, tout le monde connaît l'histoire du peintre. Chacun a une anecdote vécue ou racontée par un grand-père de tel ou tel village, sur cette maison, au lieu-dit de Notre-Dame-de-Ville, là où Picasso est lit domicile avec Jacqueline à partir de 1961. Ce jour-là, la star s'appelle Pierre Le Guenec. 71 ans, maigre comme un clou, la peau blanche étirée, les cheveux en bataille. À la fin des années 60, après avoir travaillé pour de grandes institutions comme le Château de Versailles ou la Banque de France, il quitte la région parisienne. À partir de cette date, il vit de petits boulots, dont celui d'électricien indépendant. La vie des Le Guenec est un long fleuve tranquille, silencieux et discret, au village sans prétention, Pierre a bonne réputation. Et c'est devant le domicile de ce couple apprécié des braves gens que les journalistes font le pied de grue à l'affût d'une réaction de ce papy qu'on accuse tout de même d'être l'auteur du vol du siècle. Sur ces images, on observe sa maison au volet vert, fruit d'une vie qu'il n'a cessé d'embellir dès qu'il réunissait assez d'économies. On voit le garage accolé à la maison. C'est là qu'auraient été oubliées les 271 œuvres pendant 40 ans. Surpris et pas vraiment habitué à être sous les feux des projecteurs, Pierre se fait violence et répond aux questions des journalistes. On me l'a donné. Vous voyez partir comme ça avec ça, sous le bras ? C'est madame qui me l'a donné. Mais si elle me l'a donné, c'est que monsieur était au courant. Ça tient un paquet comme ça. C'était quoi, des croquis ? Des petits dessins, des petits bouts, des petites chutes de papier. Enfin, c'est ça aurait pu aller à la poubelle, quoi. Le problème, c'est que ces petits papiers, ce don, ont une valeur colossale, financière bien sûr, mais aussi artistique. On compte plus de 200 dessins, dont de sublimes portraits de sa première épouse, Olga, 9 papiers collés, des gouaches, des épreuves de travail, des lithographies. Pour la famille du peintre et leurs avocats, le scénario d'un don aussi important est totalement absurde. De plus, on ne trouve aucune trace de l'ami Le Guenec dans les souvenirs de la famille ou dans les livres sur le peintre. Chez les conservateurs et les professionnels de l'art, la nouvelle de cette découverte fait l'effet d'une bombe. Sur l'antenne de France Inter, Anne Baldassari, présidente à l'époque du musée Picasso à Paris, donne des éclairages intéressants. Ce qu'on sait, c'est que Picasso gardait tout. Cet ensemble date de la période 1900-1932. Ça correspond très précisément à ces transferts faits depuis l'atelier de la rue La Boétie, dans le sud de la France, dans les années 50. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle un fonds d'atelier. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des œuvres majeures. Mais pour une grande partie, c'est cet ensemble d'études, d'états, de variantes, de variations qui accompagnent la gestation de l'œuvre. C'est ce qui est probablement de plus important, de plus rare et de plus précieux pour approcher et étudier l'œuvre d'un artiste. C'est un grand pas pour la connaissance de l'œuvre de Picasso, notamment cet ensemble de 9 papiers collés des années 1912 à 1914, qui sont à eux seuls un trésor. Eh oui, un trésor était caché dedans, il est désormais entre les mains de la justice. Le vol étant proscrit, une information judiciaire pour recel est lancée. L'enquête commence. Selon les dispositions et les déclarations de Pierre Le Guenec dans la presse, son travail chez Pablo Picasso date du début des années 70. Le peintre est alors âgé de 89 ans. Depuis des années, la star mondiale de l'art vit prostrée, protégée des caméras et des micros derrière les grilles de son imposante demeure, un ancien mât provençal situé sur une colline près du petit village de Mougins. Le domaine est immense, la maison gigantesque, constituée d'une trentaine de pièces, dont certaines très vastes et hautes, où l'artiste peut poursuivre ses travaux. C'est en 1961 que Pablo débarque à Mougins, année où il se marie en secret pour la seconde fois avec Jacqueline. Chez Pablo, chaque amour, sa maison, chaque rupture, son abandon. Ceux qui ont la chance d'entrer dans l'une d'elles découvrent le fouillis des souvenirs et des œuvres du peintre entassés dans les recoins de la maison. De cette demeure, on a très peu d'images, quelques photos volées ici et là, mais rien de plus. De 1961 jusqu'à la mort du peintre, les journalistes et les caméras y sont interdits. Pourtant, de temps en temps, certains téméraires tentent leur chance, comme en ce 29 octobre 1961, le jour des 80 ans du maître. Alors je sonne, deux fois paraît-il, c'est le code. Pas de réponse, j'ai l'impression que ça va être dur. Qui est là ? C'est le journal télévisé, monsieur. Monsieur Picasso est-il là, s'il vous plaît ? On s'excuse, monsieur, mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. Je viens de vous voir, je suis chauffeur, mais nous ne pouvons rien faire du tout. Ah bon, c'est impossible de voir monsieur Picasso actuellement. Il ne reçoit personne, pas même le journal télévisé. Personne, monsieur. Même les journalistes, photographes, quoi que ce soit, on aide beaucoup, mais on ne peut rien faire pour le moment. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. La preuve est faite. C'est pratiquement impossible. C'est clair, le mât de Picasso est une véritable forteresse, juchée en haut d'une colline où seuls les habitués et les ouvriers à son service peuvent entrer. Parmi eux, il y a bien sûr Miguel, son assistant, secrétaire et confident, le jardinier de la propriété, son chauffeur, Maurice Brenu, que le peintre appelait Nounours. Parmi ses compagnons des dernières années à Mougins, il y a également Pierre Le Guenec, qui s'occupe de l'ensemble des travaux d'électricité de la propriété. C'est lui qui aurait mis en place le système de sécurité de l'atelier. Maintenant, comment est-il entré au service de Picasso ? Selon ses premières déclarations, par le biais d'une petite annonce. quand on sait à quel point Picasso évitait les rencontres, surtout avec des inconnus, on a un peu de mal à le croire. Effectivement, cette première déclaration était trompeuse, car c'est sans doute grâce à Nounours, le chauffeur de l'artiste marié à une cousine de Le Guenec, que Pierre a pu entrer au service du peintre. C'est durant ces 3 années de service que Madame Picasso lui aurait donné un soir, dans le long couloir de la maison, cette pochette pleine d'œuvres. Elle aurait simplement dit « c'est pour vous ». Certes, dans les biographies et confidences des derniers proches du couple, on dépeint souvent Jacqueline comme une femme généreuse, comme l'était Pablo Picasso lui-même. Mais le don, les cadeaux, constituent un geste sérieux tout de même quand on est l'artiste le plus connu du monde. Alors, Picassiette chez les Picasso, des amis, célèbres ou non, ont, disons-le, eu de la chance. Il est vrai d'obtenir du maître des peintures ou des esquisses. C'est le cas par exemple de Madame Inès Sassier, modèle, témoin et confidente du peintre durant de longues années. Sa maison est un véritable musée où l'on peut découvrir des tableaux offerts par l'artiste. Elle le raconte en octobre 1971 au JT d'Antenne 2. Vous vous rappelez le jour où vous avez rencontré Pablo Picasso pour la première fois? Oui, c'était en 37. J'avais 18 ans. Et il était à Restaurisant à Mongeais. Et le jour, ils allaient à la plage, ils me ramenaient lorsque je venais de ramasser du jasmin. Comment l'appeliez-vous? Moi, j'appelais toujours Picasso. Ces portraits ont une histoire? Et ils ont une histoire, si on veut. C'était pour toutes les années, pour le 1er janvier, ils me faisaient un portrait. Celui qui est sur votre droite, notamment? Oui, c'était en 44. Il a mis 1h30 pour le faire. On était chez nous, j'étais dans la salle à manger, et c'était vers 11h30. Il me dit « Oh, mais vous savez, c'est le 1er janvier, j'avais oublié, vous montez. » Parce qu'il voulait absolument que ce soit le 1er janvier, pas le 2, mais le 1er janvier. Ces tableaux sont tous signés ou annotés d'un petit mot du peintre. Mais sur les œuvres que possède Pierre Le Guenec, rien. Alors, d'où viennent ces tableaux? Sont-ils un don de Madame Picasso ou d'une autre personne? Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna. France Inter, il est 7h. Interactualité, Ralph Pinto. Pablo Picasso est mort. Sans doute l'un des plus grands peintres du XXe siècle et l'un des créateurs de l'histoire de l'art. Plus de 70 ans de création artistique. Tandis que les télégrammes affluaient du monde entier à Mougins sous la pluie, une foule anonyme est allée se recueillir devant la propriété du peintre. Paul Picasso, le fils de Pablo, sortait quelques instants au-devant des journalistes. Monsieur Paulès, est-il exact que votre père sera enterré en Espagne? Ah non, ça sûrement non. Tout... Il y a un testament. Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ces blagues. Quel est pour vous le peintre le plus important et le plus célèbre? Picasso, je vois que oui. Bah, c'est Picasso. Bon, c'est Picasso. Picasso? Le 8 avril 1973, Pablo Picasso s'éteint. Alors les journalistes, personnalités, badauds se précipitent devant les grilles de la maison. C'est là que Paul, son fils, que vous venez d'entendre, n'a pas répondu spontanément aux journalistes sur la question du testament, tout simplement parce qu'il n'y a pas de testament. C'eût été le dernier collage de l'artiste, celui qu'il n'a pas voulu inscrire sur une feuille blanche où il aurait dû recoller et assembler les fragments de sa vie multiple. Pablo aimait plusieurs femmes, il a eu plusieurs enfants. Les funérailles de l'artiste mettront au grand jour les fractures de cette famille recomposée. Les années et le livre d'une ancienne compagne avaient éloigné peu à peu Pablo de ses enfants adultérins, comme on les appelait maladroitement à l'époque. Le jour des funérailles, Jacqueline refusa leur présence. La disparition du peintre ouvre alors une bataille juridique longue et fastidieuse pour la reconnaissance des héritiers, mais aussi un long travail de recensement des œuvres. C'est à Maurice Reims, un commissaire-priseur, que viendra la charge d'expertiser ce trésor caché et gardé dans chaque demeure de l'artiste, ces lieux uniques où Picasso vécut un temps avec telle ou telle femme, en compagnie de tels ou tels amis, qu'il abandonna en laissant souvent tout sur place. Et à chaque ouverture de maison, c'est le même choc. C'est un saut dans un musée éphémère où tout devait être expertisé, annoté, rangé, car tout avait été touché, effleuré, griffonné par le maître, génie du XXe siècle. Ses maisons, comme ses peintures, étaient les témoins des différents tourments de sa vie sentimentale et artistique. Alors, Maurice Reims et ses collaborateurs ont pris leur temps. 3 ans après sa mort, c'est le temps qu'il a fallu aux héritiers pour signer un accord, Maurice Reims lui a terminé son inventaire. L'ensemble des biens laissés est estimé à 1 milliard et 154 millions de francs de l'époque. Aujourd'hui encore, chaque jour, ses œuvres prennent de la valeur. Ce patrimoine artistique représente près de 1885 tableaux, 2800 céramiques, 7089 dessins, plus de 12 000 sculptures et environ 30 000 gravures, planches, épreuves et tapisseries. Pour s'acquitter des droits de succession, les héritiers font le choix de céder par dation un fragment de leur héritage. C'est ainsi que l'État reçoit une partie des œuvres de Picasso ainsi que celles de ses amis et maîtres. En 1995, afin de gérer l'héritage et de protéger l'œuvre de son père, Claude Picasso fonde la société Picasso Administration, qui possède et gère les droits du peintre jusqu'en 2043. Il est le gardien du temple artistique de son père. Claude Picasso tranche entre le vrai et le faux, ses âmes indispensables pour que l'œuvre soit proposée à une vente. C'est aussi la Picasso Administration qui gère l'utilisation de la signature du peintre pour la voiture française aux 3 chevrons. Suivez mon regard. La société contrôle les droits d'auteur et attaque quand les héritiers se sentent spoliés contre Monsieur et Madame Le Guenec, par exemple. 4 ans après le début de l'affaire, en janvier dernier, quelques jours avant le procès, le couple joue le jeu de la médiatisation et répond aux questions des journalistes. Comme lors de cet entretien pour Le Parisien. Pierre raconte une nouvelle fois le jour où l'épouse de Picasso lui donna ses œuvres, puis les raisons qui l'ont poussé à contacter la Picasso Administration. Un soir, en partant du travail que je faisais chez madame et monsieur, madame m'a appelé, m'a arrêté dans le couloir, et m'a dit « Ceci est pour vous. Voilà, au revoir. » J'ai pris ce carton, et je suis parti. Je les ai emmenés dans le garage, où ils sont restés. C'est resté 30 ans, 40 ans. Ça, j'ai aucune idée de la valeur, c'est pas mon... Et pourquoi avoir voulu les faire authentifier, alors? Eh bien, c'était suite à cette intervention chirurgicale que j'allais subir. Et là, ça m'a fait un peu peur. Là. Je me suis dit, mais j'ai des choses. Il faudrait peut-être que je les fasse comment faire voir. Et je peux m'expliquer sur la provenance. Le 10 février, au premier jour du procès, à la barre, les trois héritiers et leurs avocats réfutent cette générosité. Claude explique l'esprit de ce don. Il ne s'agit pas d'un tableau ou d'un dessin conçu à Mougins, mais des œuvres des premières années du peintre, des souvenirs de Paris et de sa première femme, Olga. Maya, la fille de Marie-Thérèse, et Pablo, l'enfant terrible de la famille Picasso, la gouaille tranchante et volubile, précisent aussi que leur père ne donnait jamais sans dédicacer. Et malheureusement, la seule dédicace de l'artiste parmi les œuvres que possèdent monsieur et madame Le Guenec est inscrite sur l'affiche d'une expo. Puis la parole est donnée à la belle-fille de Picasso, fille de Jacqueline, la seule à connaître Pierre Le Guenec. Elle rappelle l'atmosphère à l'intérieur de Mougins. Chaque pièce était un joyeux foutoir. Les œuvres n'étaient ni rangées, ni organisées. Alors il est possible que certains se soient servis. Elle dit aussi sa tristesse de voir ce couple, car sa mère avait de la sympathie pour lui. De la sympathie, plus que de l'amitié. Durant le procès, on apprendra que cette légère bienveillance poussera tout de même Jacqueline Picasso à prêter la somme de 540 000 francs à Pierre Le Guenec pour qu'il achète une licence de taxi en 1983. Alors oui, ils se connaissaient, mais pourquoi ne pas vendre l'une de ses œuvres au lieu de faire un prêt? Et pourquoi Jacqueline aurait-elle accepté de prêter cette somme en sachant qu'elle avait donné ses œuvres à monsieur et madame Le Guenec? Un autre point important est soulevé durant le procès. Le lien des accusés avec un autre homme au service de Pablo, Maurice Brenu, dit « Nounours ». Pierre Le Guenec a tué cette relation pendant de longues semaines. Ce sont les enquêteurs qui font le lien entre les deux employés. Depuis la mort de l'artiste, Nounours est devenu une personnalité dans le monde de l'art. Lui aussi a reçu de nombreux tableaux, certains dédicacés, d'autres non. Pourtant, ils ont tous été authentifiés par Maya. À l'époque, la Picasso administration n'existait pas. Évidemment, ces tableaux ont fait la richesse du chauffeur. Il vivra à la fin de sa vie dans une sublime maison dans le Lot, sans plus jamais se soucier d'argent. Le rêve. La collection Maurice Brenu sera même présentée lors de l'exposition intitulée « Picasso, la collection secrète ». Secrète, elle l'est toujours au nom de la justice et immanquablement, l'affaire Le Guenec relance les doutes sur l'acquisition de ses œuvres. En 2011, l'instruction élargit l'enquête sur ces tableaux Brenu. Lors des interrogatoires des proches de la famille, certains déclarent que ces tableaux ont été volés par Maurice et qu'il ne s'en cachait pas. Bien. Mais existe-t-il un lien entre ces vols et les œuvres du couple Le Guenec? La justice ne répondra pas à cette question. Alors, d'où viennent ces tableaux? L'avocat de la Picasso administration, maître Jean-Charles Neuer, pense que le couple n'est que le pantin d'un réseau de trafic d'art. Il pointe notamment la contradiction entre le travail très précis de description dans les légendes et les notes envoyées par le couple dans ses trois courriers de 2010, ainsi que l'expertise des accusés. Pierre Le Guenec est-il incollable en art moderne? Jean-Charles Neuer l'interroge sur ses connaissances. Par exemple, quelle est l'œuvre la plus connue du MoMA? Et l'accusé répond. Comment ça dire du MoMA? Il ne savait pas ce que c'était que le MoMA, qui est juste le musée d'art moderne le plus connu au monde, et qui est le musée évidemment de New York. Maintenant, je vous montre un croquis qui est un inédit de Picasso. Inédit de Picasso, c'est important. Pourquoi? Il n'y a aucune référence, aucune description de cette œuvre ailleurs. Je dis, maintenant, expliquez-moi, vous qui ne savez pas ce qu'est le MoMA, vous qui ne savez pas quelle est l'œuvre de Picasso la plus connue du MoMA, comment vous arrivez, dans votre description, à me dire « Études et notes au crayon sur papier dessin fin, 135 par 90 d'un arlequin, similitude avec l'arlequin de 1915, huile sur toile 183,5 par 105,2 du musée d'art moderne de New York. » Et il arrive à me dire que c'est ce dessin incroyable, cette peinture incroyable de Picasso, au MoMA, l'arlequin de Picasso, qui est loin d'être la peinture la plus connue de Picasso au MoMA. Dans les couloirs de l'audience, Anne Baldassari, conservatrice et ancienne directrice du musée de Picasso, pense aussi qu'il s'agit d'un travail de professionnel. Elle, qui connaît sur le bout des doigts la langue de Picasso, pense que cette organisation, ce choix d'œuvres et de dessins, ces légendes, sont le fait d'un seul homme, Picasso. Moi, je pense même que ça a été fait par Picasso, le classement. Je disais que les lots qui ont été présentés, rédigés par M. Le Guenec, étaient signifiants du point de vue des contenus. Vous avez dit que c'était du travail presque qu'on reprendrait muséal, c'est-à-dire préparation d'un fonds qui prépare un catalogue raisonné ou une exposition ou un catalogue. En tout cas, les lots sont signifiants dans leur contenu. Ils sont cohérents. C'est pas du tout du vrac. Pourtant, Pierre Le Guenec affirme à la barre que c'est bien lui qui les a classés et inventoriés. Au dernier jour d'audience, l'avocat général requiert 5 ans d'emprisonnement assorti du sursis intégral et d'une amende de 375 000 euros, soit la moitié de la valeur des biens recelés. Le jugement est reporté à la date du 20 mars 2015. Ce jour-là, dans la salle d'audience, deux camps se font face. Le couple, assis muet comme une carpe. Le mari semble anxieux, sa femme s'enveloppe dans son manteau de fourrure, elle ne laisse rien paraître. Claude Picasso, il est un peu plus loin, debout, entouré de ses avocats, il répond aux journalistes. Le jugement ordonne la restitution des œuvres à l'administrateur de la Picasso Administration. Le couple est condamné à 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende d'un euro symbolique au titre de dommages et intérêts à chacune des 6 parties civiles, plus les sommes dues individuellement, conformément au code de procédure pénale, à hauteur de 15 200 euros. Depuis, Le Guenec et leurs avocats ont fait appel. Alors, simple employé, un électricien pas au courant, ou l'appât d'un trafic international de l'art? Encore une fois, ces questions restent sans réponse. C'est une habitude quand on se frotte à Picasso. Un jour, le peintre a dit « Donnez-moi un musée, je le remplirai ». Alors, quand verrons-nous ces 271 œuvres dans l'un d'entre eux? Encore un mystère qui, espérons-le, ne durera pas 37 ans. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Et nous allons nous radioporter à Quimper, où nous attend Gilles Plazy. Bonjour. Bonjour. Journaliste, critique d'art, écrivain, essayiste, critique littéraire et poète français. Vous êtes l'auteur d'une biographie sur Pablo Picasso que j'ai entre les mains dans sa version folio-biographie. Elle est intitulée tout simplement Picasso. Alors, comme nous tous, vous avez suivi cette incroyable histoire dans la presse en novembre 2010. Alors, vous qui connaissez si bien ce peintre jusqu'à lui avoir consacré un livre, quelle fut votre première réaction à l'annonce de la découverte de ces 271 œuvres du peintre? Vous savez, là, je me souviens pas vraiment quelle réaction j'ai pu avoir à ce moment-là. Sans doute, j'ai été pas très étonné parce que, bon, c'est toujours ça avec Picasso. On est étonné à la fois et en même temps, on n'est pas étonné. On est étonné parce que tout ce qui arrive par lui, autour de lui, est toujours extraordinaire. Et en même temps, on n'est pas étonné parce qu'on sait que tout ce qui peut arriver par lui est toujours extraordinaire. Donc, on sait que il a eu une production énorme, que c'est une sorte de monstre de l'art, de la peinture au XXe siècle, une production énorme, que il avait plein de maisons qui étaient en désordre, qui étaient pleines de choses. Bon, que des choses puissent sortir de façon pas tout à fait normal de ces endroits-là n'est pas forcément surprenant, et que en plus tellement d'argent touche toujours les affaires de Picasso, et que tout ça vaut tellement d'argent que tout ça peut prendre tellement des proportions fantastiques, hein. Donc on a une surprise, puis en même temps oui, c'est Picasso. Et alors, selon vous, cette histoire, c'est le fruit d'un trafic d'art? Oh, ça, moi, je n'ai pas d'avis sur la question, parce que j'ai pas suivi ça de près, j'ai pas les dossiers, je suis pas un expert de l'œuvre de Picasso, et je ne suis pas dans les affaires de justice. Donc, des éléments qu'on a maintenant, c'est une hypothèse qui paraît, en effet, d'après solide. Ce qu'il dit, Baldassari, oui, ça paraît plausible, hein, ouais. En tout cas, il y a un truc, il y a un truc énorme. Bon, ce petit électricien, il se trouve avec une enveloppe comme ça. Bon. Qu'on puisse faucher un petit papier, un petit truc en passant, bon, c'est pas bien, mais ça peut être compréhensible. Surtout avec une enveloppe aussi importante, bon, ou alors Jacqueline Picasso aurait-elle tenu une enveloppe comme ça sans se rendre compte de ce qu'elle fait dedans? Bon, tout ça est quand même ne paraît pas vraisemblable. Donc oui, il y a une grosse affaire, il y a une grosse histoire, il y a quelque chose de très louche maintenant. Attendons la justice. Et est-ce que Picasso, qu'on peut considérer comme l'un des, voire le peintre le plus célèbre du XXe siècle, est-ce qu'il est le plus convoité des amateurs d'art et des trafiquants? Ça m'est difficile de dire exactement. C'est certainement un des plus, un de ceux qui intéressent le plus, parce que d'abord, comme il y a énormément d'œuvres, on peut toujours c'est plus difficile à reconnaître. Il faut vraiment s'adresser à la Picasso administration, qui maintenant est très en ordre, donc c'est difficile, mais c'est tellement phénoménal. Bon, vous avez cité les chiffres de sa production au moment de l'inventaire. Bon, mais en plus, il y a tout ce qui avait été vendu, qui était déjà sorti avant. Donc tout ça est énorme. Alors, ça intéresse. En plus, ce sont il y a souvent des peintures ou des dessins qui ne sont pas très difficiles à copier pour un bon faussaire, hein. Il y a là cette espèce de coup de patte, de coup de génie, et les faussaires sont très forts. Donc il y a pas des choses très délicates de fond, de problèmes chimiques, de choses comme ça. Donc forcément, c'est intéressant, hein. Partout où il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a des gens qui arrivent. Pourquoi Picasso est-il considéré comme le roi soleil de l'art moderne? Quelles sont les caractéristiques qui font qu'on le cite presque par réflexe, d'ailleurs, y compris quand on ne connaît pas beaucoup la peinture? Le mot Picasso, c'est comme si c'était un pape de la peinture. C'est-à-dire que un pape, non, parce que c'est pas un chef d'église. Enfin, il n'a pas non, de c'est doctrine, l'image, il n'a c'est pas de voilà, il n'est pas docte, hein, c'est pas du tout un théoricien de la peinture. Un roi, oui, mais lui-même avait fait un autoportrait de lui assez jeune, en disant moi le roi. Enfin, il a une conscience très très très tôt, hein, très jeune. Il a conscience d'être quelqu'un d'extraordinaire, d'avoir une dimension, une très très grande dimension. C'est un génie. génie. Hein. C'est un génie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été fabriqué par les mêmes usines que nous. Hein, que bon, y a quelques personnages comme ça dans chaque siècle. On a du mal à les comprendre, on ne peut pas les attraper avec des pincettes. Quoi. Ça nous dépasse complètement. Et mais lui a conscience hein, d'être quelqu'un de très important très tôt. Il a cette conscience-là et il l'assume. Hein, il l'assume très bien. Et donc Roy, oui. Puis là, il a cette espèce de comment dire de dimension, mais aussi de façon de s'imposer aux gens. Hein. C'est un monarque. Il a cette espèce de prestance comme ça, d'importance. Et Soler. À Soler, c'est son côté espagnol, hein, espagnol, andalou, Plaza de Toros. Il a le soleil, l'ombre. Bon, ce qui veut dire qu'il y a aussi la part d'ombre. Hein, enfin, de l'autre côté du soleil, hein, les deux côtés de la. Et c'est quoi la part d'ombre, à votre avis? Voilà. La part d'ombre, c'est quoi? Quand vous parlez de pardon. Alors, la part d'ombre chez lui, alors c'est là que c'est plus difficile parce que c'est évidemment ce qui est le moins évident, mais qu'on voit dans mon tableau. D'abord, il est obsédé par la mort, hein, toujours. C'est la mort a est très très importante pour lui. L'angoisse le préoccupe et l'occupe. Hein, il a sans doute peur de mourir. Enfin, c'est très très fort, quelque chose de très archaïque hein, chez lui et sinon, la part d'ombre, c'est que c'est quelqu'un, disons que je disais, il n'est pas doctrinaire, il n'est pas théoricien, il n'a pas de théorie de la peinture, il n'a pas des conceptions de dire la peinture, ça doit être ceci, ça doit être cela, il faut peindre comme ci, comme ça, je vais peindre ceci, cela. Il est très spontané, il est... Les choses sortent de lui. Enfin, c'est le sens du mot génie ancien, hein, de cette sorte d'une force qui vient de lui, qui dépasse, qu'il sert en fait. Hein. Il est traversé par ces espèces de forces. Alors quand il peint un tableau, il a une petite idée comme ça au départ. Il le dit lui-même, et puis après c'est à l'aventure. Hein. Les choses viennent. C'est la peinture qui commande, hein, qui finit toujours par commander. D'ailleurs, vous mettez en exergue dans la quatrième de couverture de votre livre une de ces citations que j'aime beaucoup, ça dit « Je n'ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément, de distraction. J'ai voulu par le dessin et par la couleur, puisque c'était là mes armes, pénétrer toujours plus avant dans la connaissance du monde et des hommes, afin que cette connaissance nous libère toujours davantage. » Voilà, je crois que tout est dit, en tout cas, sur l'esprit de liberté de l'artiste. Hein. Oui, André Malraux dit dans la tête d'Obsidienne, que la peinture, c'est pour Picasso à la fois son esclavage et le moyen de sa liberté. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est son esclavage, c'est-à-dire qu'il est pris complètement par la peinture. Hein, sa grande maîtresse, c'est la peinture. Hein, ce n'est pas ses femmes, pas ses maîtresses féminines, pas ses épouses. C'est la peinture. Et la peinture, ça, il lui a été toujours fidèle et il a été dominé par elle. Il lui a tout donné et elle lui a aussi tout donné. Et maintenant, elle donne beaucoup à ses héritiers. Alors, puisque nous sommes en radio, Gilles Plasy, je vous propose d'écouter la voix de Picasso. Alors évidemment, il refusait de répondre aux questions des journalistes, pas toujours, hein. Quelquefois on pouvait l'entendre. Alors on va écouter une de ses rares interviews, justement, c'était en 1966 pour l'émission Panorama. Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas ? Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même. Voilà, alors, en se plongeant dans les œuvres de Picasso, effectivement, on redécouvre sa vie, ses amours, ses lieux de vie. Est-ce qu'on peut dire que sa vie se lit dans ses peintures et que ses peintures étaient finalement ses mémoires ? Oui. Lui le dit et le montre. Il dit que c'est bon, que ses peintures, que ça pas la peinture, c'est son journal. Donc on peut lire sa vie dedans. En même temps, il faut un peu se méfier parce que le personnage est tellement énorme. Je dis toujours ce mot parce que c'est ça. Hein, c'est un géant que il y a beaucoup d'histoires. Donc on voit le personnage et quelquefois on oublie un peu de regarder la peinture, de voir la dimension de la peinture, de voir sa variété, de voir son évolution. Donc c'est très compliqué. Donc oui, c'est son journal, mais il y a des mauvais peintres dont la peinture est le journal. Donc oui, c'est vrai aussi. Enfin, là, il s'agit d'un grand peintre, donc ça nous fait une grande biographie. Et pour autant, il n'a pas fait de testament. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'a pas fait de testament? Je ne sais pas. Alors, moi, je pourrais faire des hypothèses. C'est-à-dire que, de toute façon, penser à sa mort, ça devait pas du tout lui plaire. Donc, je pense que c'était peut-être une raison. Sinon, je n'ai plus. Alors, tout ce qui était papier, administration, tout ça, c'était pas son truc. Hein. Il voulait pas s'occuper de ça. C'est-à-dire que lui peignait, il faisait la peinture. Bon, il disait toujours que la peinture, lui, ne triait pas. C'est pour ça qu'il y a tant de peintures, tant de papiers qui restent. C'est-à-dire, voilà. Moi, je fais ça sur le moment. Et après, après, les autres se débrouilleront. L'histoire tranchera, se débrouillera. Tout ce qui est papier administration, c'est pas pour lui. Donc c'est pour son homme de main, Sabartès, pour Miguel, pour Jacqueline ensuite. C'est voilà, occupez-vous-en. Bon, alors il est toujours difficile de coller une étiquette à un artiste, et encore plus à Picasso. Sur la quatrième de couverture de votre livre encore, je lis cubiste Picasso. Allons donc, surréaliste encore moins, communiste. Pas vraiment. Sans doute fut-il à l'origine du cubisme, proche pendant quelque temps des surréalistes et détenteur d'une carte du Parti communiste. Mais le plus grand peintre du XXe siècle est irréductible à toute étiquette complexe, multiple, en constante métamorphose, artiste polymorphe et amant dynamique. Pablo Picasso n'eut dans sa vie comme dans son œuvre d'autres lois que la sienne. Voilà, donc c'est un personnage tout en paradoxe. Oui, c'est-à-dire... Il y a deux figures hein, un peu importantes dans sa peinture, mais qui je crois qu'ils correspondent bien, sont le Minotaure et l'Arlequin. Donc c'est un Minotaure, c'est-à-dire cette espèce de taureau divin, archaïque, mangeur de petites filles, et bon, ce qui rapproche du taureau, hein, le taureau de la corrida, donc vraiment dans le soleil et la mort. Et puis l'Arlequin, qui est celui de l'époque bleue, qui est donc un être un peu fragile, mais qui appartient quand même au monde du cirque, à la tendresse, au cirque, et qui est un collage. Hein, le costume d'Arlequin est un collage, donc c'est pas tout à fait par hasard non plus. Quand il a peint ses premiers Arlequins, en fait, il a peint des collages avant de faire des collages. C'est assez étonnant. Donc je crois que c'est ça. C'est à la fois un Minotaure et un Arlequin, et il oscille entre les deux, il est les deux, et il est Picasso. Quoi. Enfin, c'est l'étiquette, c'est Picasso. À chaque nouvel amour, il change de maison. Quel rapport il a avec la maison? Il en change, c'est une forteresse à l'intérieur, c'est un peu le foutoir. Quel est ce rapport entre C'est un lieu de travail. Hein. C'est avant tout un lieu de travail, l'endroit où il peut le mieux peindre et sculpter selon le moment. Quand une maison est pleine, il s'en va, il en ouvre une autre. Et puis ça dépend aussi de la vie privée, enfin de la femme avec laquelle il vit quand il bon, sa première épouse Olga qui est une danseuse des ballets russes, qui est une dame assez chic et qui a des ambitions sociales. Bon, là il joue un peu le jeu pendant quelques temps, il va rue de la Boétie, un bel appartement. Bon, il a fait ça une ou deux fois dans sa vie, mais après non, je crois que ça l'intéresse pas. Le luxe ne l'intéresse pas. Il a de l'argent, il le dépense comme ça. Il a une belle voiture, une Hispano Suiza, mais c'est un collectionneur américain qui l'a lui offert. Bon, tout ça, je crois, n'a pas d'importance pour lui. C'est la peinture et la sculpture qui est aussi très importante. Peut-être, moi je dirais maintenant que sa sculpture est peut-être encore plus novatrice que sa peinture. Bon, c'est intéressant. Une autre histoire. Oui, mais c'est intéressant. Sur quelle sculpture vous pousse à dire cela, par exemple, quelle œuvre importante? Bah, c'est-à-dire que bon, si on peut prendre, prenons le fameux taureau fait d'une selle et d'un guidon de vélo, la grande sculpture dont je ne dirai pas le nom, mais qui a un grand singe sur lequel il y a une petite voiture, tout ça moulé. C'est-à-dire il y a du collage en sculpture et il y a une inventivité extraordinaire. C'est-à-dire que la peinture, il s'est toujours battu contre la peinture parce qu'il savait tout faire en peinture, hein, très jeune. C'est-à-dire qu'il pouvait être le plus grand peintre académique du siècle, il savait tout faire. Et il le dit lui-même, il se bat contre la peinture. Il dit c'est le catch avec la peinture. Il dit ça à Malraux, je fais du catch avec la peinture. La sculpture, il y arrive avec une sorte d'innocence. Hein. Il a des objets, il joue avec, il les colle, il les assemble. Ensuite, on fait des bronzages et il ouvre à ce moment-là un champ dans la sculpture qui va complètement bouleverser la sculpture pendant tout le siècle et encore maintenant. Quoi. Alors, l'une des questions de l'affaire des 271 Picasso concerne la générosité présumée du peintre. Je vous propose d'écouter ensemble un extrait d'un reportage du journal de 20h de l'ORTF, ça s'appelait comme ça, hein, en 1964, où le coiffeur de Picasso et son tailleur parlent de l'homme et de ses cadeaux. Le plat à barbe que vous voyez est un original de Picasso. Il se trouve dans la boutique d'un des coiffeurs de Valoris, M. Arias. Picasso vous a donné ce plat à barbe? Oui. Deux plats à barbe? Deux plats à barbe. Un jour, il est venu et il vous a dit quoi? Un jour, il m'a dit spontanément, comme ça, il faut que je te fasse deux plats à barbe. Alors, un jour, il me les a envoyés. Et vous les avez placés? Je les ai placés sur les glaces. Dans c'est le ça. Salon. Oui, il a dit à son céramiste, à Valoris, mon rêve, ce serait d'aller vendre mes pots avec un âne sur le marché pas plus cher que les autres. Malheureusement, a-t-il ajouté, ensuite les autres les vendraient très cher. Oui, mais souvent, il dit, beaucoup de monde, il dit des choses sur lui qui ne sont pas ça. Il s'en vend des choses pour dire. Mais Picasso, il est très naturel. Il ne fait rien exprès. Pour vous faire plaisir. Il ne fait jamais une chose pour vous faire plaisir. Il fait que ce que lui, il a, avec cœur, il faut prendre comme il est, c'est ça. Alors, généreux ou pas, Picasso, de ce que vous en savez? Il y a des histoires qui montrent qu'il était très très généreux. Hein. Il a pu acheter une grande partie d'une exposition d'un sculpteur catalan Appel Les Fenosa qui était tout jeune, qui arrivait à Paris, fait une exposition et Picasso a acheté une grande partie de l'exposition avant même l'ouverture parce que pour le dépanner. Il y a des histoires comme ça. Il y a d'autres histoires où apparemment il n'a pas été généreux certains de ses enfants se sont plaints à certains moments. Bon, il est compliqué, il est contradictoire, mais je crois que le coiffeur a bien dit. Hein, il fait les choses comme il sent. Hein, il y a pas de calcul. Mais il cherche pas à séduire. Puis, voilà, il fait comme il le sent. Non, et puis il l'a fait avec un ego qui est surdimensionné. Hein, quand même, bon, quand on disait c'était le roi, il est. Voilà, donc, en effet, il manie pas d'argent, c'est-à-dire que il donne un tableau. L'argent, c'est fait pour, je sais pas, c'est fait pour les petites gens de manier de l'argent, de manier des sous. Quoi. C'est pour, Mitterrand non plus n'avait jamais d'argent sur lui. Quoi. Alors, toute dernière chose, il nous reste une minute, je voudrais qu'on dise un mot quand même de Guernica, qu'on peut regarder des milliers de fois et ressentir toujours la même chose, voire plus, œuvre absolument extraordinaire. Alors, je crois que il avait lu un article ou vu une photo dans un journal le soir, me semble-t-il, donc il se lance dans cette peinture qui dénonce la guerre. Pourtant, certains, sur le moment, ont été un peu critiques, ils auraient aimé un message plus réaliste, un engagement plus clair, ils ont reproché à Guernica son esthétisme, voire son formalisme. Bah, quand on sait la place que tient Guernica aujourd'hui, après, toutes ces critiques paraissent un peu dérisoires. Bah, ce qui est très extraordinaire, c'est que ce peintre qui peint si vite et qui peint généralement dans l'instant, dans la pulsion, en fait a fait deux grands tableaux qui sont les deux plus grands tableaux, puis deux des plus grands tableaux du XXe siècle, qui sont les Demoiselles d'Avignon et Guernica. Et chacun de ces deux tableaux a été le fruit d'un très long travail, d'un vrai travail, d'une réflexion, d'une étude, d'approximation, de recherche, et qui sont quasiment au Oui, pas aux deux bouts de sa vie, mais enfin à des décennies de distance. Guernica, oui. Bon, d'abord il on est. Pardon, Gilles Plasie, je suis vraiment désolé. On va être obligé de conclure. C'est terrible de faire ça brutalement. Voilà, juste un dernier mot sur Guernica. Au moins, vous laissez finir sur Guernica rapidement, très rapidement. Alors, Guernica, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, il fait ça. C'est une pièce d'actualité, une pièce de circonstance, mais il en fait un tableau qui dépasse complètement cet épisode de la guerre d'Espagne. Oui, donc c'est un monument sur toutes les guerres, sur toutes les douleurs et qui est encore vivant aujourd'hui. Merci, merci infiniment, Gilles Plasie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mystère Picasso, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À ce propos, sachez que pour le seul mois d'octobre, Affaires Sensibles a généré 1 100 000 connexions pour le podcast. Merci à vous tous pour votre fidélité. Demain, nous évoquerons la célèbre entourloupe littéraire Gary Ajar.